Planète Rap. 100% rap français. C'est parti pour le nocturne 100% rap français, juste après Difool, une grosse nocturne. J'espère que vous êtes prêts à veiller tard hein, ce soir, comme chaque nocturne, le vendredi, juste après Difool. Une heure de nouveautés, une heure de classique consacrée à l'année 98. On va débuter cette nocturne avec une grosse dédicace pour monsieur DJ Core qui est très en forme en ce moment. Je l'appelle toujours DJ Core, mais c'est Core évidemment, qui est en train de réaliser la bande-son du film Pattaya. Loupez pas le film Pattaya, il arrive le 24 février. La bande-son, ce sera une semaine avant. On la découvrira d'ailleurs dans une semaine dans Planète Rap, juste après Big Flo et Oli. Là, il y a deux morceaux. Le premier, c'est avec Lapso. Dédicace Lapso, Lacrim, comme d'hab, une grosse dédicace à Lacrim, Sadek aussi, SCH, le morceau c'est Mon Frollo. Et puis après, il y aura Lacrim et SCH pour Tony. Qu'est-ce qu'il y a, gros ? Mon Frollo. Ah ouais, normal. Une blague, Karim, ou pas de blague ? Fini ? Comme ça, tiens, j'en ai une pour toi, gros. Tu la connais, celle-là ? Comment on appelle un nain homosexuel à Marseille ? Pas de dérapage, s'il te plaît. On appelle ça un enculé. Merci. Donc l'émission, vous avez compris, commence fort. C'est la nocturne, 100% rap français. Il y aura une session classique 1998 tout à l'heure. Envoyez des messages, bombardez. Marie est là aussi. Le hashtag la nocturne, le hashtag Skyrock. Une dédicace au poteau Greg qui est là, au label Def Jam. On y va, coup d'envoi. Lapso, Lacrim, Sadek, SCH, produit par Core. Voici Mon Frollo. Ils sont regroupés au sein d'un collectif qui s'appelle Awa Gang ou AWA Gang. Arabouise attitude. C'est possible. C'est ça. C'est même très très possible. On y va ? Allez ! Vous allez écouter, vous allez kiffer, c'est parti, coup d'envoi, réagissez maintenant. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Yo, yo. Lapso Laps. Pattaya, frère. Pattaya, frollo. Yo, yo. FDLR, frère. Remix. How I go. Go. Je tire dessus gratuitement. Je le fais pour mon frollo. Je lui achète la même montre que moi. Parce que c'est mon frollo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frollo, mon frollo. Il a raté aucun par lui sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frollo. Mon frollo, mon frollo. Mon frollo, mon frollo. Mon frollo, mon frollo. Mon frollo, mon frollo. En direct de Pattaya, j'ai tout niqué, j'ai plus d'oseille. Je veux refaire la guerre, les monter jusqu'au ciel. On fait la paix pour les frôles, tu seras toujours bien viscère. Ils sont bien sapés, incrustés même dans le désert. Fonctionnaire, fonctionnaire, fonctionnaire, fonctionnaire. Actionnaire, actionnaire, avec les frelons on sait le faire. Je suis comme les frelons laps, on donne que des carrés d'as. Pas comme tes copains qui vont s'allumer pour une tasse. Je tire dessus gratuitement. Je le fais pour mon frollo. Je lui achète la même montre que moi. Parce que c'est mon frollo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frollo, mon frollo. Il a raté aucun par lui sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frollo. On est en I, ils sont en ITT. Mon frollo, frollo, où t'étais? Quand j'étais en S, quand j'étais à pied. Quand y'avait pas le fer, l'île de Giuseppe. On l'a fait, on l'a fait. L'Ab c'est Laurent Blanc, la rue c'est le PSG. Grosse équipe, faudra plusieurs bolides. Dis à tes copines qu'est-ce qui vaut tes lots. Là, y'a on y est. On y est, mon frollo, mes frères, on y est, ha, ha, on y est, ha, on y est, ha, ha, mon frollo, mes frères, on y est, y'a Walker dans mon joli, Hallyday, j'sors de tôle, j'vends de la drogue, j'suis refait, y'a, j'ai perdu du temps, mon frollo, j'ai rattrapé, ha, ha, mon frollo, on y est, mon frollo, mon frollo. Elle s'assoit sur ma bite aussi sur celle de mon frollo. Ma fac, on t'nique. Normal, je l'ai rodé toute la nuit dans la ville avec des tasses dans ma gueule. C'est mon frollo, frollo, frollo, frollo, frollo. T'as voulu me serrer la main, je l'ai gardé dans ma poche. Fais la bise à mes frollo, frollo, frollo, frollo, frollo. Ton corps dans un coffre et le chauffeur. Et mon frollo, t'as un peu Pattaya. Ouais, mon frollo, on tire sur les gagaillards. Parce qu'on est pas costaud et qu'on prend pas la wine. On sera jamais assez riche, moi et mes frollo, on a la dalle. Je vais chercher l'argent là où il est, la vie à l'absence. Je vais chercher l'argent là où il est, la vie à l'absence. Vite mon gueule que tu finis dans le cendrier. Y'a FDLRC, mon frollo t'as pas idée. Sur ma vie un million de fois que vous allez me le payer. Y'a en millions d'euros que vous allez me le payer. Mon frollo, montre-leur comment on fait. Y'a la méthode à l'abs, allez je veux vers costard violet. Balle dans ta tête pour mes frangos, balle dans ta tête pour mes frangos. John Doe, incognito, shoot bang headshot. J'avais un doute là j'en ai plus un 45 comme antidote et j'ai la réponse. ma hookah. Vas-y fume, allez fume sur ma hookah. Laps au fucking laps, c'est de la bomba. Allez fume sur ma slata. Je tire dessus gratuitement. Je le fais pour mon frelo. Je lui achète la même montre que moi. Parce que c'est mon frelo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frelo, mon frelo. Il a raté aucun parlu sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo. L'Apso, Lacrim, Sadek, SCH. Sur la bande son du film Pattaya et Core. Allez, autre extrait de Pattaya, écoutez maintenant, le morceau s'appelle Tony. Lacrim, SCH, une grosse grosse dédicace et une pensée à Lacrim. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Yeah, yeah. SCH. Yeah, yeah. Quoi? Lacrim. Yeah, yeah. Tony. Montana. Se fait courser. Elle prend des kilos qui veut pas payer. 19 février dans les bacs, Pattaya. Il a le M16 pour leur faire la guerre. Le film c'est le 24. Allez le trouver chez lui. Il s'en bat les couilles, il a tous les stups sur le dos. Il ne regarde jamais dans. Tony vend pas de la beuh. Tony veut tous les tuer. Ils verront la plein le nez. Tony Montana. Tony Montana. Tony Montana. Tony, Tony Montana. Tony veut partir en guerre. Montana. Gloire du lit. Poser le bif sur ton rapé. Tony fait passer des tailles de cocaïne. Il sait où tu crèches gras. Tu seras jamais trop riche. Meuf cachée sous son lit. Elle couche dans la soie. Dans le bail, dans tout. Oui, Tony Montana te fait. Paul Pélican, ouais. Négro, Négro, eh. Ah, ah. Lacrim, SCH, Core. Tony, dans la nocturne, Pattaya, le film arrive, la bande son aussi, 19 février, 24 février pour le film. C'est 100% rap français. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. On va continuer à saluer Lacrim, cette fois-ci aux côtés de Rimka. Morceau stupéfiant. Et après, nouveau son de la fouine. DZ Power. On a rodé le jour, on a ripé la night. La tolle, les bijoux, des vides malades. Des chaînes, la casse, au plus grand cassotion. Quoi faire d'autre que rapper nos lives. De la peau bracelle aux femmes et bibi toute l'année. Amsterdam dans le GP. On décharge le Zodiac sur la plage devant les touristes qui faisaient bronzer. Bayard de Chelon sur le survêt. On prend les sens interdits en CRS. De la rebut sur la pesette. De trois rérettes à la sauvette. On grandit les poches trouées. La drogue on l'a écoulée depuis l'écolier. Dis à l'OPJ de se faire enculer. Sur nos cartes d'identité on met qu'un goulet. On fait fuir les gamins, les épouses. J'prends une canette au M, j'roule un petit pour la route. Tout 30 sur l'autoroute, tu peux retracer nos vies avec toutes les écoutes. Devant le juge, on est tous passés par la justice, on est tous repris. J'suis bagué MVP, ta Vitry, certifié disque d'or, ta Vitry. J'ai du shit sous mes griffes, du 12 en bas pour les soirs de dépris. À 16 ans, j'ai découvert les coffee shops et les putes en Vitry. De la peur frappe pour les clients, de la pure dans de l'eau bouillante. On va chercher de la weed en Hollande. Stupéfiant, stupéfiant. À la casserole, que c'est le tetra. Je mets la pierre dans de l'eau bouillante. Petit gardien de tarifa. Stupéfiant, stupéfiant. De la peur frappe pour les clients, de la pure dans de l'eau bouillante. On va chercher de la weed en Hollande. Stupéfiant, stupéfiant. Boîte de 30, j'envoie la peuvra. De la pure dans de l'eau bouillante. Je récupère des sous à Santa. Stupéfiant, stupéfiant. Musique de salopard. Pour charger une porteuse à Malaga. Je roule sur les grands boulevards. Avec des salopes qui savent faire grand écart. Je démonte, je remonte. Je nettoie, je remonte. Mon fusil, barceau. Whisky sec sans glaçon. On nous appelle gros poisson. Dis leur tonton, comme dans Cobra. Des armes de l'Est, pas de gros bras. Tu viens du 9-4, tu es Cobra. Des peines de bâtard, ton nom sur des contrats. Dis leur pépérance, ta peste de carrosse. On fout pas le feu, nous direct, on t'arrose. Ça n'est pas rose, de petits sont féroces. Viens ta passe, ta frappe le tarot à la hausse. On les a punés, pierre de sang inopiné. Coupé tous les robinets. Je suis sur la corniche, sale fils de pute. Je tape un grand cru et ta mère au dîner. Mélodiné, poteau dîner. Dealer qu'on vaut les braquer et dealer. Toujours motivé, les bas vont identifier. Rime qu'à la crime certifiée. On a tout niqué, depuis bousillé. On a tiré du canon scié. Bande de travelots, regarde des grappons. C'est comme nous apprendre à faire des bracos. Y'a des lingots, des valises de frappe. Tu te fais tirer dessus, t'es dans ta wagon. Et bien sûr qu'il y a la cale à Draco. C'est pas dans nos caves qu'on enterre nos magots. Rêve, rêve. De la peur frappe pour les clients. De la pure dans de l'eau bouillante. On va chercher la weed en Hollande. Stupéfiant, stupéfiant. À la casserole, que c'est le tetra. Je mets la pierre dans de l'eau bouillante. Petit gardien de tarifa. Stupéfiant, stupéfiant. De la peur frappe pour les clients. De la pure dans de l'eau bouillante. On va chercher la weed en Hollande. Stupéfiant, stupéfiant. Boîte de 30, j'envoie la peuvra. De la pure dans de l'eau bouillante. Je récupère des sous à Santa. Stupéfiant, stupéfiant. C'est la Nocturne, Monster Tape, toujours dans les bacs. Rimka qui est passé avec Oxmo cette semaine. On saluera évidemment Oxmo tout à l'heure dans les classiques. Stupéfiant. La Crime. Grosse dédicace à La Crime. J'espère que t'écoutes poteau ou qu'on te transmet le message. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. La Fouine, nouveau son. Sale gosse, yeah. Tout le monde a besoin d'un boss. Quand j'ai boule en Porsche, yeah. Ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. Sale gosse, yeah. Tout le monde a besoin d'un boss. Quand j'ai boule en Porsche, yeah. Ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. On balance pas comme Gustavo, on est des bandits. J'ai mon groupe sanguin sur mon abonne, au cas où ça rétire. Tes cartes postales, tes cartes de vœux, j'ai ma carte crédit. On a carte blanche avec ta go, on la fait gire. Mon esprit comme expressif. J'enterre mon blé, j'ai pu winner comme à Medellin. Fouini, babe, babe, fouini, ton gamos brille. Elle est vendue à mes yek, l'industrie. Toute ma vie j'ai fait l'argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Sale gosse, tout le monde a besoin d'un boss. Quand je déboule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. Sale gosse, tout le monde a besoin d'un boss. Quand je déboule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. Tu sais pas taper dans un ascenseur, t'es comme Jay-Z. Billet violet, et je mets des heures à faire le tri. Ils parlent de moi, ça pourrait. j'ai la honni. Ils ont la haine, je suis dans le viseur comme putain de fusil. À Paname, gros, tu sais rien, t'es comme la Bézi. Toute ma vie, j'ai fait l'argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Fais la, argent sale. Yo, sale gosse. Yo, tout le monde a besoin d'un boss. Quand j'ai boule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. Sale gosse, tout le monde a besoin d'un boss. Quand j'ai boule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. Sale gosse, tout le monde a besoin d'un boss. Quand j'ai boule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. Sale gosse, tout le monde a besoin d'un boss. Quand j'ai boule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. 4 mars, nouvel album de La Fouine. Le morceau s'appelle Argent Sale, le clip est dispo. Et le son est évidemment dans La Nocturne, 100% rap français. Nocturne qui continue, Le Fa, écoutez, l'album est sorti il y a une semaine. Allez vous plonger dans Monsieur Fa, l'album de Le Fa. La Nocturne. Négro, grouille-toi, je suis pressé, un tout petit peu stressé. Si je distribue des fessées, va y avoir des blessés. Mais tranquille, je vais vous laisser. Je vous l'ai dit, je suis pressé. Et puis j'ai pas du tout envie de foutre les mains dans les WC. Pareil que j'ai des sosies, c'est le dernier de mes soucis. Et même si moi j'ai pas l'intention de rester mes soncis, ceci n'est pas un morceau. Mais pour le game, le début d'une mort sombre. J'annonce les conditions climatiques. Il va faire gris sur la cité. Des lumières négro, j'suis de mauvaise humeur. Et y'en a qui ont déjà pissé dans leur slip. C'est la rumeur, les mecs ont des remontées. Mais plus acides que sa tumeur. Allez go, venez faire un stage à l'école. Des points vitaux pour être dans le building, faudrait avoir le code. Bande de mythos, c'est bien beau de tourner des clips sur des yotou. En hélico, ça c'est l'image. Mais vos onces ont toujours besoin de soins médicaux. Bande de con abandonné. Va y avoir des fractures, négro, la facture va être salée. Je vous ai donné rendez-vous au sommet. Mais vous n'êtes pas venu, je vous ai attendu des années. Ouh, maintenant j'ai plus le time, plus le time. Je le fais ni pour les fans ni pour le fun. Je le fais juste pour voir leur CD voler par la fenêtre. C'est comme ça dans le milieu de la zik, y'a pas de sentiment. Si on demande de signer le contrat avec ton sang, dis non. Shine à la prod, fall au mic, ça donne un truc électrique. Tu sais le genre de truc qui t'attrape par les ch et les tripes. Je vais pas m'attarder dans le rap, je suis garé en double fil. J'ai déjà tout vu, mais t'inquiète, je raconterai pas la fin du film. Allez go, négro va chercher la go. On se barre, on met les voiles, j'en ai marre, on attend quoi? Pour démarrer, prends le périph, ou les marées chaudes, t'inquiète. T'es dans ma région sur Dune, calcule pas, les gendarmes foncent. Le moteur est chaud, baisse la vitre, j'ai besoin de respirer, je suis sur les nerfs. Si j'étais vulgaire, gros, j'insulterais des mères. J'ai dit baisse la vitre, j'ai besoin de respirer, je suis sur les nerfs. Si j'étais vulgaire, gros, j'insulterais des mères. Bande de cons abandonné. Va y avoir des fractures, négro, la facture va être salée. Je vous ai donné rendez-vous au sommet. Mais vous n'êtes pas venu, je vous ai attendu des années. Ouh, maintenant j'ai plus le time, plus le time. Des fractures, négro, la facture va être salée. Je vous ai donné rendez-vous au sommet. Mais vous n'êtes pas venu, je vous ai attendu des années. Rap français. Nocturne, l'album est sorti aujourd'hui. Kondo, Nekfeu, Faut que je tienne, c'est dans la nocturne 100% rap français. Les messages hashtag Skyrock arrivent. Notre temps à se rendre dingue, sexe, violence et drogue. Le cocktail fait pour qu'on se flingue. On shoot à l'alcool, au fric et même au phonogramme. Laissez passer les photographes, on laisse nos vies sur Instagram. Même si c'est nul, on pense qu'avec nos testicules, on use de mauvaises habitudes. Le cash, le flash et l'attitude. Prends de l'altitude, une latte, échange de l'attitude, tu craques. On s'épargne pas, s'éparpille et parle peu. On se fout des conséquences pour mourir avec élégance. Le diable a déjà gagné, regarde les pages de nos cahiers. Putain, ce monde est dingue, on se tue pour deux minutes de fun. Et quand le bonheur se pointe, on est pétrifié comme devant le cœur. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Le cœur qui bat comme un rage conne, j'en vois tout péter, je m'arrache comme ça. La vie une course, attire en l'air comme dans un mariage corsal. Comme le sud de l'Italie, là où mes potes résident. La peau grisade, j'entends la litanie. Que cette hypocrisie, pleine d'hypocrisie. Tempé dans leur tympan, mon hypocrisie. C'est ça être un bon élève. Y'a que des cancres ici, je viens d'un clan du son clandestin qu'ils reconnaissent en grandissant. Cri retentissant quand j'ai son y'a encore du sang quand tu sors. Mais un jour les larmes sécheront. Scènes où tu connais le nom, j'ai les cheveux longs, mais les miens ne cesseront de monter les échelons. Je veux qu'on me laisse accomplir ma vie. La vie ne fait pas le moins. Demande aux muslims qu'on massacre en Birmanie. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Babylone me dit faut faire des sous, rejoins le monde moderne et souffre. Il me reste que l'art c'est tout et si la flamme s'éteint ce sera mon dernier souffle. Tous les jours la vie nous teste afin qu'on abandonne. Parfois nos démons résonnent en moi, j'entends des voix corps. Et quand j'ai des absences, la vie me renvoie dans les cordes. Je rêve d'être bien et posé comme personne. À l'heure où la lune accompagne les petits, coincé dans un bocal vide, mes pensées sortent d'une brume apocalyptique. Prenez garde, on prend de l'âge, ne vous méprenez pas. Dans la vie y'a qu'un seul voyage, on l'a entamé à nos premiers pas. À quel prix tu pourrais donner ta vie sans finir comme un esclave ou bien enfermé à vie. Dans des murs, des costumes ou des postures. Je vois des prisons dorées et des impostures. Alors s'il y a la guerre, on n'ira pas à nous. L'avenir est si terne. Nous on veut devenir des poids lourds. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. C'est plus facile de faire le mal que faire le bien. Parfois je craque. C'est plus facile de faire le mal que faire le bien. Que faire le bien. Faire le bien. Faire le bien. C'est plus facile de faire le mal que faire le bien. Parfois je craque. La nocturne. Alpha One, Alpha Lauren dans les bacs, lunettes noires maintenant. Pour plus être locataire, on fait les bails. Avec la précision d'un tailleur. La maille dans l'esprit, l'esprit dans la maille. Ça porte d'un scotch, football. Jeune entrepreneur, hood boy.

lourd. Vêtements de sport, y'a siècle sans bourre. Il me reste du raid, ma faut qu'on reste en forme. La prestation est inhumaine, toute la salle est unanime. Galas dans les prunelles, regard braqué sur ma cible. J'suis pressé, j'ai plus le temps pour la détente. Ça me ferait chier de leur laisser percer ma défense. Ils me prennent 10, j'veux prendre 40, même leur putain de menace me semble marrante. Leurs avis de bouca, je m'en balance. J'fais deux pas en arrière, j'ai deux temps qu'avance. J'fais rimer la langue de Molière. Des trous dans les poches et dans les molaires. Alcool et weed, mais on n'a pas de poudre. 3 grammes dans le sang, 3 dans le backwood. J'fais swinguer la langue de Molière. Ça fait longtemps que j'ai pas fermé mes paupières. Mon album s'appellera Grand Cru. Personne ne regrette pas d'avoir attendu. Mon album s'appellera Grand Cru. Personne ne regrettera d'avoir attendu. Je me balade, connais pas la peur, c'est ça le rappeur, je les baise. Et leur manager me respecte. L'industrie a cru que c'était les soldes. Ils veulent que je fasse comme les autres types, que je gagne 10% sur mon propre disque. Leurs idées sont comme si elles leur étaient sorties du fion. Le rap c'est français, le bordel qui se fout de la prostitution. Tu croyais que t'étais bon, ce n'était qu'une grosse illusion. Ferme ta gueule et pose ton cul, viens, je profite du son. J'ai dû traverser un tas de drames. Plus d'une fois failli rester. Ma side bitch a plus de fans que moi sur Instagram. Mahlel elle, mais même pas sur FP. Verbe tuer, première personne du singulier. Présent de l'indicatif, regard vindicatif. Antipathique et tenace à l'instar des syndicalistes. Fini l'apprentissage et le visage d'un finaliste. Changé en démon alors que j'étais sage en l'an 2000. Oublie tout ce que j'ai fait avant, ce n'était qu'un stage en entreprise. Et jouer je peux pas me permettre. Les types m'écoutent, fais cogiter leur paternel. J'investis moi-même, balise pas que ceux qui haïssent aillent coïter leur maternelle. Je le fais en année avec mes gros de renom. Nique le quintet, je ne mise que sur mon propre nom. J'fais rimer la langue de Molière. Des trous dans les poches et dans les molaires. Alcool et weed, mais on n'a pas de poudre. 3 grammes dans le sang, 3 dans le backwood. J'fais swinguer la langue de Molière. Ça fait longtemps que j'ai pas fermé mes paupières. Mon album s'appellera Grand Cru. Personne regrettera de l'avoir attendu. J'fais rimer la langue de Molière. Des trous dans les poches et dans les molaires. Alcool et weed, mais on n'a pas de poudre. 3 grammes dans le sang, 3 dans le backwood. J'fais swinguer la langue de Molière. Ça fait longtemps que j'ai pas fermé mes paupières. Mon album s'appellera Grand Cru. Personne ne regrettera de l'avoir attendu. Planète Rap, 100% rap français. Alors le poteau des Sidja, une spéciale aussi à Akala à l'écoute. Battle Angel, Busta Flex, Hulk Henry qui est sur le morceau et puis tous les autres, JB aussi. Voici Vegas. J'ai pas le temps, y'a la première place qui m'attend. J'descends un café serré, comme tes fesses ou tes molaires. De façon, j'peux pas te blairer, comme mon ex ou ton beau-père. RER à station Aubert, voilà c'est fini. Jean-Louis Aubert, banlieue 2, P-A-R-I-S, R-A-S. J'mets mon GPS sur L-A-S, V-E-G-A-S. No stress, flex, B-U-S, m'amène L-E-S, Lija et le reste. Rendez-vous sur la côte ouest. J'grimpe sur le dos de Pégase, j'vole vers Las Vegas. Alvin pour le blast, tu veux ma place, mec, range tes faces, t'es naze. Je ne crains que Jésus, il a marché sur les eaux. Moi, tout ce que je peux faire, c'est te marcher sur les eaux. Ils me disent, Alv, fais-le, ok, je vais le faire. High, comme la tourette, fais-le, fais-le, et le frère. Afro Power, raser la tête, c'est dead. La seule de blonde que j'ai eue, elle a fini ce qui naît. On se retrouve à Vegas, rendez où de bitches. Le Yuba avec des liens, ça ne peut savoir quoi on fait. Si on se retrouve à Vegas, m'amène L-E-S, Lija. On se retrouve à Vegas, rendez-vous sur la côte. Si on se retrouve à Vegas, rendez où de bitches. Le Yuba avec des liens, ça ne peut savoir quoi on fait. Si on se retrouve à Vegas, m'amène L-E-S, Lija. Si on se retrouve à Vegas, je vais la faire sale, je vais la faire bang. Je suis sur le ring, je suis dans la jungle. Et gringo, tu lèves ta bimbo, je te laisse ma dinde. Petit verre de vin blanc, t-shirt serré bien blanc. Père de Jordan que t'as jamais vu dans le zingam. Alléluia, kawabenga, le style est dingue. Je peux ramener mes zingues, pas besoin de flingues, vous êtes des ringards. S'agit que de faire des dommages sans aucun bang bang. Je vais te faire un multi-clonage et je vais les gang bang. T'as vu, t'es venu, tu t'es chié dessus. Condamné à vivre pour toujours. Viking, Ragnar, Lodz, Brock.

Mais tu devras vite t'habituer, t'habituer aux montées de stress, vite t'habituer, t'habituer. N'aie pas trop de peine, t'sais, ça peut tuer, ça peut tuer. Faut pas trop t'en faire, même si ça ressemble à l'enfer, parfois, parfois. Nos enfants, nés dans la crise, suce pour ton pouce, mets les doigts dans la prise. Branche le courant grand, reste électrique. Le système n'est pas prêt de baisser les prix. On s'excite, le bonheur on l'exige. Et même si le fric met l'honneur en exil, on existe grâce à ce qu'on exhibe. On voit le jour vite, on rêve de voir les îles. Cherche pas le fond, tout est vide et fort. Bienvenue dans ce monde que l'envie déforme. Oui, là où l'entraide est une idée folle. Ouais, ouais, welcome dans ce monde que le fric dévore. Le fric dévore. Ouais, ouais, welcome, victime de la loi des euros. Toi tu sors d'en dessous, tu souffles. Bah, sache qu'ici on ferme les yeux gros. Traqué du souffle, du souffle. La réussite te regarde haut. Ouais, ouais, welcome. La réussite te regarde haut. Mais tu devras vite t'habituer, t'habituer. Aux montées de stress, vite t'habituer, t'habituer. N'aie pas trop de peine, t'sais, ça peut tuer, ça peut tuer. Faut pas trop t'en faire, même si ça ressemble à l'enfer. Parfois, tu devras vite t'habituer, t'habituer. Monter l'Everest, vite t'habituer, t'habituer. Manger les restes, t'sais, ça peut durer, ça peut durer. Faut pas trop t'en faire, même si ça ressemble à l'enfer. Parfois, parfois. Ouais, ouais, welcome, ce monde est cruel comme une ruelle de Bangkok. On refait le tableau, tire l'alarme et les chefs ont l'oreille de Van Gogh. Tu refais Pablo dans le bloc, t'as pas les mêmes plans coke. Tout le monde tape trop court sous Zéo, non-stop. Ouais, welcome, que t'es des diplômes ou du bello dans le coffre. Ouais, welcome, tu sors d'un partard ou du ghetto. Tu te sentiras impliqué, riche ou pauvre, t'en auras jamais trop. S'agit de tirer le bon ticket. Roule en 4x4 ou en métro. Mais tu devras vite t'habituer, t'habituer. Aux montées de stress, vite t'habituer, t'habituer. N'aie pas trop de peine, t'sais, ça peut tuer, ça peut tuer. Faut pas trop t'en faire, même si ça ressemble à l'enfer parfois. Né dans la crise, né dans la tristesse. Même les rebelles se prennent deux pieds dans le système. Le nez dans la tise, crispé dans le viseur, dans la matrice. Risquer la misère, la hausse des prix, ça peut priver d'aide, ça peut priver d'aide. Puis ciblé par les marques de luxe, tu finis criblé d'aide, finis criblé d'aide. Ouais, ouais, welcome, victime de la loi des euros. Toi tu sors d'en dessous, tu souffles. Bah sache qu'ici on ferme les yeux gros. Traqué du souffle, du souffle. La réussite te regarde haut. Ouais, ouais, welcome. La réussite te regarde haut. Mais tu devras vite t'habituer, t'habituer. Aux montées de stress, vite t'habituer, t'habituer. N'aie pas trop de peine, t'sais, ça peut tuer, ça peut tuer. Faut pas trop t'en faire, même si ça ressemble à l'enfer. Parfois, tu devras vite t'habituer, t'habituer. Monter l'Everest, vite t'habituer, t'habituer. Manger les restes, ça peut durer, ça peut durer. Faut pas trop en faire, même si ça ressemble à l'enfer parfois, parfois. Sur le fil du rasoir, déjà en précommande, album de Cool Chain à l'instant avec Jeff Lenaire, faudra t'habituer. Allez, 1h05, je crois qu'il est grand temps d'attaquer cette spéciale 98. Alors pourquoi spéciale 98? Pourquoi spéciale classique ce soir? Pour deux raisons. La première, c'est pour Oxmo, une grosse dédicace à Oxmo. On a fait une super semaine sur son dernier album, il y a un morceau qui s'appelle 1998. 1998, une année importante, champion du monde, beaucoup de sorties dans le rap français. On va essayer de retracer tout ça pendant une bonne heure maintenant. Forcément, j'oublierai du monde, donc déjà d'avance, désolé, mais je pense que vous allez kiffer aussi. Et puis la deuxième chose, c'est que dimanche, 18h-20h, nouvelle émission sur Skyrock, une dédicace à la banane Maxime qui vous présentera ça. C'est une spéciale classique avec des titres non seulement français, mais surtout internationaux aussi, à pas louper. 18h-20h, nouveau rendez-vous sur Skyrock. Classique avec un K cette fois-ci, c'est sur Skyrock à pas louper. Allez, on attaque pour faire la transition avec le Cool Chain. On met un NTM et juste après, il y a un Oxbow. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ouais, presque sous ton nez. Ouais, tout donné. Yeah.

Ils veulent être qui je suis, qu'est-ce que j'ai. Même mon insuccès m'excède. Amour et jalousie, j'arrive pas à le vivre. Pourtant mon cerveau à niveau, ils veulent me priver de ma vie. Amour et jalousie, noir et noir, moi ou toi. Pourquoi toi, pas moi, pourquoi moi, pas toi, voilà. Amour et jalousie, moi-même j'étais jaloux jadis. Je voulais tout ce que j'avais pas jusqu'à ce que maman dise. Fils, patience, t'arrives. Et elle arrive, on la voit tous, on veut y arriver. Et ton rêve n'est pas le leur, surveille ses navets qui te suivent. Jusqu'à ce que tu sois trop loin d'eux, puis coule ton navire. Ainsi va la vie, vu qu'un nantique qui subit sort. Jette la faute sur celui qui s'en sort. Son unique but, jouer les justiciers. Ils veulent ce que t'as de valeur, le gueule. Pas toujours, alors un poste à mort, un sac à main devient un testament. Road mort, d'homme lord et love d'imposteur. Tous la même cause, la possession, second possesseur. Beaucoup de fric dans le texte. Vu que ce que les gens t'envient est acquis grâce au fric, ce que je dis je déteste. Mais mon temps est compté, j'ai pas le temps d'envier. Car envier c'est du temps et le temps n'est qu'un tas de billets. Depuis la nuit des temps, c'est tant de chance, donne la mort d'ici à Kingston. Une cause, amour et jalousie. Ils veulent être qui je suis, peut-être ce que j'ai. Même mon insuccès m'excède. Amour et jalousie, j'arrive pas à vivre. Pourtant mon cerveau à niveau, ils veulent me priver de ma vie. Amour et jalousie, noir et noir, moi ou toi. Pourquoi toi, pas moi, pourquoi moi, pas toi, voilà. Amour et jalousie. Beaucoup de groupes de rap, rap, rock restent rarement unis. Question de chiffres, inégo, groupe U, groupe I, Levis, Loop. Vu que tout ce qui tourne touche au fric, putain. Rajoute 10 montants et dis si je mens, hein. Premier prix, hein, jalousie, ce que rien. Les chiens se bouffent, fichent la paix aux riches. C'est déjà niche du voisin. Un peuple appauvris-tu, un coup de gris-gris, insidieux tri. Prends les bons et laisse les maudits entre eux. Tout a l'air d'un complot, j'ai de moins en moins de potes, squat au coin en moquant faussement de mes liens passés. Je lève mon verre à mes ex-amis, mes futurs ex-amis, ceux qui seront jamais trop de fautes commises. J'aurais pu appeler ce rap bonheur ou malheur, rap pays, mais je mélange et tout donne, amour et jalousie. C'est reparti comme un 998. Amour et jalousie, Oxmo. Merci Oxmo pour cette belle semaine dans Planète Rap. C'était bon, hein? Ah ouais, putain, on a kiffé. Envie du voisin, envie de jalousie, jalousie, envie du voisin. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Nocturne. Wouh. Je fais mon job à plein temps. Yeah, Busta. Aïe, ok, c'est parti. Il paraît que je dois faire mon job à plein temps. Pour 9-8, la même fuite. La même fuite de gaz. T'inquiète, c'est très bien que je fais mon job à plein temps. Quand flex ta bête sortie, contrôle amorti, de la phase shoot dans les orties, flex en gestion, accumulation de phase par centaines depuis 99-40. Donne des tonnes de torticolis, mets ton mic comme Oli, flex baba comme Ali, tout se rallie. Amour mouvement, même si on sait que le mouvement, lentement mais sûrement, mais surtout hip-hopment parlant, représente 100% authentique. 9-3-800, 9-3-200, pour les faire 200, tu sais déjà. L'attente a été longue, fallait avoir la fronde. Être fort comme Kim Kong, morale de Viet Cong. Sûr de soi, arrête de croire dans le ventre. Souvent les gens jactent en soulevant des choses. Et ouf ce soir, faire les choses à fond. Vivre l'instant présent, serrer une goal. Laquelle s'apercevoir qu'elle a 16 ans. Wow, putain t'as pas peur. Ouais, mais je suis pas pédo, parlons d'autre chose. Et pour auto, je fais tourner le pédo. Tu me fais toi. Non, mais c'est pour la rime et le style. Je veux être un vrai bad boy hostile qu'on respecte dans la ville. Et sinon t'as l'air costaud quand même. Bien sûr, je fais du sport. Je suis toujours en train de courir à fond dans les transport. Alors maintenant faut qu'à chaque fois que tu me crois, ils comprennent que j'ai pas le temps. Parce que je fais mon job à plein temps. Ouais, c'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, je fais mon job à plein temps. Je fais mon job à plein temps. Et puis, en plus de ça, mec, tu sais que j'ai marqué mon territoire, ma place, mon siège pour 9-8, le 9-3. La même cuite de gaz. On était pas de toi, c'est bien vite. Voir comment on fait de la bebon, de la bonne venant d'orgement. Les meufs qui sont sucre d'orge, mon bouge pas. Ça monte jusqu'à la soutien-gorge, mon dieu, où stop. Ah, pour la du vrai hip-hop, tu le sais, de la phase basée sur des thèmes sensés. Tu sais que c'est censé être un sens interdit pour les sous-doués. Je suis trop doué, tu sais d'où est venue mon aspiration. Et tu pour ne pas avoir capté ma section. Tu sexy on, sexy ton, on active le piston, piston. Père te pardonner, toi son unique fiston. Satisfaction, me paye, c'est que tu sois content, que tu prennes du bon temps. Surtout si chèque, ça en fait longtemps. Ton kiff me respecte et n'oublie jamais mon grand. Que si aujourd'hui je pèse, c'est que je fais mon job à plein temps. Ouais, c'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, je fais mon job à plein temps. Tu sais, je fais mon job à plein temps. 24/24, mon grand, je fais mon job à plein temps. C'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, je fais mon job à plein temps. Tu sais, je fais mon job à plein temps. Et puis, en plus de ça, mec, tu sais que

gros bonnet, tu connais les faits. Je roule avec le shit squad et c'est droit de fait, bébé. Paf, la rage fils, ne fume pas. Pedro n'en déplaise, filme. Cigarette, tabac, sec. Et là, je suis bien, mec. Les potes fument pour moi. Cirque, Lindo, Dice, Kung, cesse devant moi. Eh, connard. J'ai pas à te dire ce qu'il faut faire pour entrer dans la partie. Fils, tu m'as bien compris. Je crois qu'il y a des vapeurs, représente l'odeur. Premier symptôme qui font sur moi speed et lors je suis d'humeur. On pourrait croire que j'intègre le squad quand je compte mes histoires de fantasy à la Stormbringer. Ce que j'ai dit, fils, ça veut rien dire, mais sous l'emprise du shit, le squad c'est un hit. Get out, shit. Drink, drink, drink a little past this. Smoke a lot of trees. Get out, shit. Sami. Y a du nouveau fils, le squad refait ses faces noyées dans la masse avec ses poteaux, du micro, de mégo, amigo. PGOM qui va gagner. Marseille en 98, qui gagnait en 98. Marseille IB 5-0. Comme un grillage à Chine, frappé après un joint, tu t'arrases. Colle tes oreilles devant te paf, tu rêves pas gringo. L'XMS est devenu l'impasse sans cesse. Représente notre emblème, la PPS. Femme du râle, la princesse, pour l'honneur des troupes rebelles, pour la fumée. T'as dit maman dit sur le mic, ça c'est haki. Fais tourner l'air cosmique pour que la famille mette la panique. Un bon de pro avec tous les wachocho et c'est parti pour le show. FM freestyle pour représenter avec un joint ganja. Tu ne peux pas lutter, fume, fume, fume avant que la vie te fume. Aujourd'hui j'assume avec le shit squad, Kiki production, association bangé. Pour des fins de soirée, t'es fatigué. J'aimerais ziguer les guélés pour tous les frères avec qui j'ai calciné des bambous. Du secteur au café Julien, les neveux ne craignent plus rien. Accrochés sur la locale comme des morts de faim. Changa m'attend demain, ouais. Tu reconnais la voix du padré, sorti du 13-7. Sur le mic usé par le pollen et la sensei. Toujours d'attaque avec le shit squad. Mec sur tes gardes, en attendant lyricalement que l'on bombarde. Balance ton cocktail de fer, rien néné. Si tu cherches la kémia, y'a que chez nous, tu pourras la trouver. J'fais pas de topo, j'suis plein de topo. Demande à mes potes, c'est SSS, mec, que j'ai sous le capot. Je pose toujours à mes répètes sans oublier mon matos. Un stylo, un micro, mon chocos, et Vatos Fortos. C'est comme ça que j'aime bosser. J'suis pas du genre à canner ou taper des blocages. Et vas-y, de ricaner, ouais, mon beat au popo représente pour le troisième œil. Même si je t'effrite dans mon défaite. Je regarde mes potes drôlement des boss, tous guidés par le haki. Comparé au hasard, plein de mémés qu'ils sont chics. Regarde-moi droit dans les yeux, oh. Si arrive pas, quel minable ce gros. Dis-moi, c'est du shit que tu fumes ou des pilules que tu gobes, bab. Combien de gosses en voulant se la jouer quand se sont perdus. Je te l'avais dit de rester dans la scène si en soirée, bad boy, pompe un joint. Reste cool comme ton pote, l'ami Ali Aléa. Je ne fume pas, mais préfère voir des gens down avec le shit squad. Quatre atogs, land à la dame squadra. A croire que c'est un championnat où c'est le plus bête qui l'emportera. Avant d'appuyer sur play, t'aurais dû faire un petit. A la santé du squad, Joe Popo, Luciano, Pedro. Mon ami, c'est la vie. C'est la vie, vie qui veut ça. Enika, Enika, Mgeta, Osh. C'est la vie qui veut ça. Mgeta, Osh. Mgeta, Osh. Mgeta, Osh. Mgeta, Osh. Mgeta, Osh. Lâche-le, rap français, planète rap. La nocturne. En 98, il y avait aussi Express D. Ouais. Et Monsieur Big Red. C'est dans ton esprit. Le morceau s'appelle 7-8. Kiffez, mettez à fond, envoyez des messages. Ça fait plaisir, c'est la nocturne. C'est 100% classique. 100% à 998. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sort en effet, tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait qu'elle monte la jolie, c'est loin. 78, c'est là d'où l'on vient, c'est pas le bout du monde, pas quoi de fin. Débarquement de Mantin, joli en provenance du Val Fourré. Quiconque me dit qu'on vient de Paris, je m'occupe de lui et de sa Romée. À 60 km à l'ouest de la capitale, je prépare une attaque bestiale emmenée par les crèves, la dalle. Expression directe s'installe, l'invasion est brutale. Mon action directement radicale. Voici les conséquences 1 de ta non-assistance à personne dangereuse. Je te pète comme une donneuse. T'allumeuse, dégage porte épisseuse. Si tu veux ma tête, cœur craque. Expression directe, retourne pas ta veste. Désormais c'est moi qui te pète. C'est moi qui te pète. À l'heure du clash, je pénètre comme un flash dans la chair. La chance est ouverte, on te perd pour mon temps de guerre. Dans ma localité, perle tes

C'est la bombe, bébé. Planète Rap. 100% rap français. C'est la Nocturne, classique 1998. Et en 1998, sortait un album. Idéal Juif. Exactement. On est là. Le combat continue, que dire de plus? À part balancer ses premières notes. Jusqu'à la mort. Kerry dédicace. Pensée pour DJ Mehdi. Mafia Quinfré. Et tout Idéal J. Jusqu'à la mort. On veut du. Tu subis les tarcors. On veut du. Jusqu'à la mort. Dès que je fais ce morceau, ça part en couille. J'entends une réaction de mauvais garçon dans la foule. Où la merde est s'il le faut, tout à cagoule. Les fesses et fesses qui font tout le temps. Comme dans le boule, je répète. Dès que je fais ce morceau, ça part en couille. J'entends une réaction de mauvais garçon dans la foule. Où la merde est s'il le faut, tout à cagoule. Ils essaient pas de nous faire croire. Aujourd'hui, le monde est cool. Alors qu'hardcore est critique et la situation dans le monde. Hardcore, comme je te l'ai dit, à chaque seconde des bombes. Hardcore, les trafics de stupéfiants abondent. Hardcore, comme si je faisais sauter une bombe à Disneyland. Hardcore, des mômes qui font trottoir en Thaïlande. Hardcore, la sanction qu'on t'a pas su tenir ta langue. Hardcore, l'attentat des USA à Hiroshima. Hardcore, la façon dont les Renois s'assassinent au Rwanda. Hardcore, sont les récents événements en Algérie. Hardcore, la façon dont ils détruisent l'Amazonie. Hardcore, sont les conditions de vie ici en sont prises. Hardcore, que fait les lois dans ce pays où ils se visent les vies. Hardcore, qui a essayé d'entreprendre Jacques Mestri. Hardcore, la fin du monde, on envoie les premiers signes. Hardcore, deux PD qui s'embrassent en plein Paris. Hardcore, les scènes de cul à la télé avant minuit. Hardcore, aujourd'hui la Yougoslavie n'est plus. Hardcore, demain t'es mort pour une poignée d'écus. Hardcore, ont sûrement été les émeutes de 68. Hardcore, la fin violente du parcours de Malcolm X. Hardcore, l'effet de l'héroïne sur certains. Hardcore, des animaux certes copains terriens. Hardcore, on meurt comme quoi les sida vient très d'Afrique. Hardcore, les preuves comme quoi ils ont dévalisé l'Afrique. Hardcore, et le trafic d'influence en France. Hardcore, Maurice Papon aurait trahi la résistance. Hardcore, les scabusifs sont à ce jour les charges sociales. Hardcore, l'inégale répartition des richesses mondiales. Hardcore, hardcore comme reconnaître ses torts. Hardcore, les jeunes sont passionnés de films. Hardcore, sera le journal télévisé de ce soir. Hardcore, et les gens ont peine à croire au mot espoir. Hardcore, lorsqu'une fillette de 8 ans disparaît. Hardcore, et qu'on la retrouve violée, sodomisée. Hardcore, et le viol dont on a accusé Mike Tyson. Hardcore, pire encore en ce qui concerne Michael Jackson. Hardcore, l'harcèlement serait le truc de Bill Clinton. Hardcore, il n'est pas bon de tromper O.J. Simpson. Hardcore, du trou à ses fans au tribunal. Hardcore, serait le rétablissement de la peine capitale. Hardcore, mais déjà aujourd'hui la peine maximale. Hardcore, l'article 432 du code pénal. Hardcore, et le travail de bâtard d'un procureur. Hardcore, l'inspecteur Harry Hooker Hunter sont des tueurs. Hardcore, elle a grimpé en flèche du FN. Hardcore, sous les propos extrêmes de ce bâtard Le Pen. Hardcore, et Marion Marine, pense à vous. Hardcore, elle a mauvaise graine de haine qu'il sème. Hardcore, sous les crimes dont on accuse le GIA. Hardcore, et la façon dont est écrit qu'un prix mafia. Hardcore, le FLNC se fait entendre en Corse. Hardcore, la Gestapo applique à des méthodes féroces. Hardcore, guerre de 100 ans, 200 jours de toujours. Hardcore, guerre mondiale et bientôt le troisième. Hardcore, les flics noirs ne sont des traits, des gens bavent de rage. Le temps où les négros étaient esclaves. Hardcore, vu la révolution française 1789. Peut-être l'issue d'une simple histoire de sœurs. Et violentes sont les interventions du règne. Hardcore, lorsqu'on affirme que si tu nous testes tes têtes. Hardcore, lorsque ton ennemi t'étouffe au corps à corps. Hardcore, comme elle a S, je le serai jusqu'à la mort. Hardcore, vu le décès de Malik Ousseki. Hardcore, sera la reconquête de la Palestine. Hardcore, comme mourir pour une cause qu'on croit juste. Hardcore, quand tu crois qu'ici bas tu n'es qu'un martyr de plus. Hardcore, quand t'es persuadé que le bien ne peut triompher. Hardcore, parce qu'hier t'as tué, aujourd'hui t'es respecté. Hardcore, sont les fléaux qui nous frappent ici bas. Hardcore, de la peste au cancer jusqu'au sida. Hardcore, le dévergondage des femmes dans le monde entier. Hardcore, serait l'enfer qui nous est prédestiné. Hardcore, parce qu'on approche du jugement dernier. Hardcore, parce que les meilleurs s'en vont toujours les premiers. Hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore. Las Montana. Dédicace à tes proches. Hardcore, on veut du hardcore. Du hardcore.

pour tout le monde les mêmes droits. Les mêmes droits. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Pourtant que notre musique chante ça. J'ai plus le droit de rien faire, même pas le droit de me taire. J'erre dans ma tête, perds mon temps et j'perre assis dans mon sale fer. Ça le fait pas, je perds patience quand je flaire un bon coup de pierre. Dans les mêmes galères, de merde ou part, au quart de tour le coup part. De n'importe où, tout se part, où j't'arsère dans les couloirs. Combien de temps ils vont nous tester? Combien vont nous rester empestés? Les ondes nous molester. Arsenic sur les liaisons contre les gros poneys vient se dresser. Y'a trop longtemps que notre musique déchante ça. Y'a trop d'enfants qui crient des pulsions d'un vieux. Dis ça, toutes les sauces. Préparer la rébellion. Nique ça avec force. Laisse les ces millions. Le texte de loi marche, pays du droit. Tu peux te mettre un doigt des blabla chez moi, personne n'y voit. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Longtemps que notre musique chante ça. Pour tout le monde les mêmes droits. Les mêmes droits. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Longtemps que notre musique chante ça. Pour tout le monde les mêmes droits. Jusqu'à quand ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Que si je suis sage un jour, j'aurai la chance d'entrer dans la danse. Mais maintenant, j'ai les yeux ouverts et j'ai conscience que plus le temps passe, plus il faut que j'avance. Pas rester à espérer qu'ils me laissent une chance pour progresser dans l'existence. Longtemps que notre musique chante ça. Bon, tout le monde les mêmes droits. Jusqu'à quand ils vont nous dire de rester gentils pour avoir demain ce qu'on n'a pas aujourd'hui. À ceux qui étaient avant nous, ils avaient dit la même chose. Aujourd'hui, ils ont des ennuis seulement. MC Jani. C-A-L-B-O. Les mêmes droits. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Pour tout le monde, les mêmes droits. On est en 1998, les classiques de la nocturne, 100% rap français, liaison dangereuse. On va faire un tour à Marseille en 98. Sortez aussi le film Taxi, dédicace à Samy à l'écoute peut-être. Le poteau Samy Nasseri, il est à côté, il est dans le coin. On va se rappeler la bande-son du film Taxi. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Le Troise. Joe Popo Boswan, dédicace à eux. Allez, la vie de rêve. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça, rouler un test à Rosa. Bagou doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes passent la hassle, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Je pousse à l'excès, c'est pas pour tchatcher, mais tester, savoir jusqu'où la critique peut aller. J'ai adopté le rap comme sport, fais des efforts, des sacrifices, fils. Toute la journée j'écris, fermé quand même, fais pas puits, t'es moins frais, j'm'en grâce à IDF. Funky, tout ce qui m'intéresse, rapper, mes textes comme bouclier. En cas d'hostilité, je pense en chercher qui est quoi. Je reste droit, crois-moi, dans ce monde, c'est du chacun pour soi. Chacun pour soi. J'ai fait mes choix, travaille comme un fou. Pour un jour, rouler un test à Rosa. Bagou doit faire des Marseille by night avec ma smala. 15 dans la poche, comme gonflé à bloc. Puis je vole et j'escroque, que bon son marque son époque. Respecter des autres pour mon bon fond. J'aimerais fuir de béton, voyager pour Saigon. Croché par Mani, viré à Séville. Scruter le fief en famille. Que le droit soit reconnu de ma Sylian Jamena. Tous les journalistes fassent la hache sur moi, la saga. Se terminera. Un gazidja, bitch, galawa avec un Rafik, Mario Balotello à l'écoute. Je construis ma villa, au mur Picasso Dali. Sculpture Giacometti, disque d'or, troisième œil et funky. Plein des jaloux qui portent la une sur ma colline. Je fais des soirées privées, invite Mr. Bean à venir divertir les miens. Quand on a la caille, on ne se prive de rien. Salle de jeu, billard, piscine, clean. Je rêve depuis tout gosse, finir mes vieux jours comme un boss. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un test à Rosa. Bagou doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes fassent la hassle, mais que je récolte. Maison d'arrêt d'Orléans à l'écoute. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un test à Rosa.

élu au deuxième tour, cesseront de faire les sourds. Donne ma vision des choses par rose, ose écouter qui veut la prose et parfois morose. Qu'est-ce que j'y peux, mon âme déclame ce que voient mes yeux. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime écrire, ce que j'aime entendre. Des textes vrais sur des faits qui donnent envie de rendre. Faut pas vous méprendre, le délire loue mon cerveau à l'année, basané. Je perds pas de vue ceux qui veulent m'étendre. Prêt à zapper, c'est mieux de se rendre. Et fallait pas nous chercher, fallait pas croire qu'on allait rester là, les bras croisés, à boire un thé. Yazès D13, maison d'arrêt de Dijon à l'écoute. Invite les ex noirs sur la piste. Les lettres sautent, pieds noirs et italiens. Pour six la liste, le kiste et les tempires. Et si on dit pas nous, qui va le dire? Et si on l'écrit pas, qui va le lire? Qui va s'en souvenir? Le pire, c'est qu'on n'est pas sûr que ça serve. Trahir, filer la germe, fuir n'existe pas. Trop de gens courtisent, Gégène, sème la gangrène sur Mars. Pendant 10 ans, j'ai porté ce nom avec fierté. Maintenant, j'hésite à le prononcer. Jamais l'idée ne m'a effleuré, fané. La rose du sud s'éteint, même Notre-Dame pleure. Sous la chaleur, les cœurs flétrissent. Toujours le front en sueur, la peur de l'autre donne des ailes. On se sent moins seul au pluriel, la tête pleine de rien. Les cons remplissent des bulletins criminels. Les oubliés plient, l'état jouit. Les jeunes jouent les bandits, les parents triment, s'usent la vie. Avec un job de jour, un job de nuit, un mec sur trois me vise et ça fout les glandes. Pense qu'il y en a plus d'une centaine auxquels je fais la bise. Ils cachent un couteau dans leur manche, le soupçon plane désormais. À tout moment, sur Saint-Fée, quelqu'un peut me saluer. Du genre, salut poteau, ciao enfoiré, même caché. Les bofs m'auront pas, la fierté du hip-hop sera pas la honte du pays. Je le dis en vrai, mais je croise les doigts, les mains aussi, je prie pour la première fois. Que la catin d'aujourd'hui redevienne princesse d'autrefois. Dédicace Boujema du 26 en direct de la A7. Bon, on était bien en 998, mais faut revenir en 2016. Allez, ou presque, parce que je vais finir avec un dernier son, mais comme c'est pas du rap français, mais c'est un son important de l'année 98, on va l'écouter pour conclure cette nocturne spéciale. Merci à vous tous. Touche pas, Mickaël. Non mais les mecs touchent à tout quoi. C'est Spice Girl. Frangin, qu'est-ce que tu fais? Tu touches à tout. Je veux être DJ. Bah alors. C'est donc la fin de la nocturne, 2h01, 2h02. On a kiffé. Merci tous ceux qui étaient là dans le coin. Le poteau, le frangin, Greg était là, fabuleux. Tu reprends le contrôle parce que là, il va la reprendre. Ma fiancée était là. Yabdou était dans le coin. Belle gosse. Marie était dans le coin. Fab était dans le coin. On était tous là, c'était bon. On était en 1998. Merci franchement à vous tous, on est en TT. On a défoncé la TT. Bordel. Avec le hashtag La Nocturne, merci franchement, ça fait plaisir. Tous vos messages, tous ceux qui ont envoyé des messages. Attends, dernier, maison d'arrêt, Saran, Jidi, à tout le M1, le MA2, le CD, la SMI et le quartier femmes. Grosse pensée à Bitume. Voilà, tous ceux qui ont envoyé des messages, merci vraiment à vous tous. Yoshi, Team Romano, t'inquiète, je t'ai vu le poteau, merci à toi. Xavier Lafosse était là aussi. Nocturne 100% rap français, c'est dans une semaine, on reviendra et vous inquiétez pas, on fera des petites classiques comme ça par année. Merci à Oxmo, vraiment, voilà, qui nous a gâté cette semaine dans Planète Rap. Dès lundi, Big Flo et Oli à pas louper entre 20 et 21. Les petits frangins aussi à pas louper. Allez, on finit avec un dernier morceau d'un 998. C'est pas français, mais ça va vous parler. C'est la Queen, la Queen. Wow. Parle en arabe, parle en arabe. La Queen. It's funny how money changes situations. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game new under the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done major, king done one run. Now understand El Boogie, nah, violent. But if a thing test me, run for me gun. Can't take a threat. Alors, a priori, nous avons un petit souci de connexion. Mais si les gens, ils touchent le câble aussi. Mais ouais, mais les gens touchent à tout. Ne touchez plus à rien. C'est direct. Attends. Allez, Nocturne 100% rap français. Ah, tu l'as dans le coin, là le... Parce que là, attends, on peut pas finir sur un échec. On était tellement bien... On peut pas finir. La version Sky. Ah bah la voilà, version Skyrock, comme ça, vous inquiétez pas, ça va pas couper en route. Donc retour en 998, Fab, après on est reparti gros. Désolé pour cette interruption des programmes. On est encore aux cassettes, hein, aux cassettes. C'est... Voilà, c'est 98, c'est les cassettes, ça a merdé un peu. Allez, c'est pas grave, on se le refait dès le début. Version Skyrock en plus. It's funny how money changes situations. Skyrock, favorite radio station. Every time I'm on, I'm on number one. Planet rap, give that to the sun. Every time they play, it's premiere. Rap, every time L Boogie's up in here. L Boogie minus two Fugees. Every time we come, we rock Paris. What? All sound busting out in your truck, in your Jeep. All kids don't sleep, cause Planet Rap is the one and it's deep and it gets that way. Skyrock on stage. Lauren Hill qui est dédicace à Planet Rap. Je suis refait, on peut mourir maintenant. Enfin, le plus tard possible. Planet Rap radio station. Skyrock favorite station. One, L Boogie, not violent. Might win some, but you really lost one. All DJs are done. Planet Rap is number one. You might win some. All DJs are done, done. When Planet Rap come, it's so silly they're number one. You might win some. You might win some. Planet Rap is number one. Planet Rap is number one. If a DJ dare to come, Skyrock will blow you done. Cause DJ's done and done. Planet Rap is number one. I lost one. You just lost one. It's so silly how come when it's all done, did you really gain from what you done, done? It's so silly. Just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just won one. You might win some, but you just might win some, but you really lost one. You just lost one. It's so silly how come when it's all. But you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you really lost one. You just lost one. It's so silly how come when it's all done, did you really gain from what you done, done? It's so silly. Attends Fab, avant de récupérer, on va rester juste pour un dernier morceau histoire de calmer tout le monde, histoire de se mettre bien avant d'attaquer le week-end. Une petite double à Lauryn Hill, 1998 sur l'album de Miss Education. Et après Fabuleux, tu reprends le contrôle, t'inquiète. Et loupez pas les classiques 18h-20h le dimanche soir. C'est désormais sur Skyrock à pas louper. Un petit To Zion, ça aime toucher ce morceau.